إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc quelques petits points avant de commencer le cours à proprement dit. Déjà, je voudrais vous remercier d'être venu malgré la neige, etc. Qu'Allah vous récompense. Et pour les gens qui ne sont pas là, bien, alhamdoulilah, évidemment, c'est une excuse. Et Inch'Allah, ils peuvent suivre le cours sur Paltalk. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que j'avais dit la semaine passée. En fait, un frère a attiré mon attention là-dessus. C'était par rapport à Mohamed ibn Sirin, rahimahullah. J'avais dit qu'il faisait partie de Kibar al-Tabi'in. Et les ulama, quand ils disent ça, il attire mon attention sur le fait que ça pourrait être ambigu, pourrait être compris comme faisant partie de la tabaqat des Kibar al-Tabi'in. Il a raison, le frère. Donc, en fait, il y a plusieurs tabaqat, vous savez, dans les tabi'in, il y a plusieurs niveaux, etc., par rapport à quand ils sont arrivés, de qui ils ont pris, etc. Et Mohamed ibn Sirin, il fait partie des tabaqat al-mutawassita, ou bien al-wusta, si vous voulez. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire qu'il fait partie des grands imams, c'est ça que ça veut dire, en fait. D'accord ? Que ce soit clarifié, qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension vis-à-vis de ça. Et je remercie le frère d'avoir fait remarquer ça, parce que c'est très précis de sa part, parce que ça peut être compris de quoi ? De deux manières différentes. Et donc ça, c'était pour la correction vis-à-vis de ce point-là. Après, on commence directement le cours et on était arrivé au chapitre des fondements de la sunna de l'imam Ahmed rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, concernant l'iman bishafa'ati yawm al-qiyamah. Alaykum salam wa rahmatullah. Et évidemment, ici, pour les frères qui ont le livre, vous voyez bien que c'est un nouveau cours de Cheikh Rabi. On a dit que c'était une daura, que c'était un colloque, une conférence. Et si je ne me trompe pas, ça doit être quoi, le troisième cours, C'est-à-dire que nous, c'est notre neuvième cours. Le Cheikh, ça, c'est son troisième cours, en fait. Évidemment, le français, ça fait toujours plus ou moins en général le double ou plus du double. Donc, c'est pour ça que nous, on est déjà au neuvième. Et en sachant qu'on a des cours des fois un peu plus courts que d'autres, etc. Et ici, c'est donc le début du troisième cours de Cheikh Rabi en explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed, rahimahullah. Et donc, nouveau chapitre, la foi en l'intercession le jour du jugement dernier. L'auteur qui l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: قال المؤلف رحمه تعالى من أصول أهل السنة والجماعة والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. On va voir qu'est-ce que ça veut dire le mot fahma dans un instant, inshallah. فيؤمر بهم إلى نهر. On va voir aussi qu'est-ce que c'est quoi les lughats. On peut dire naharin en langue arabe, on peut dire naharin, on va voir c'est quoi le mieux, etc. Par rapport à l'imam Nawawi rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit. على نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله إنما هو الإيمان به والتصديق به. Donc l'auteur qui est l'imam Ahmed rahimahullah, l'imam des gens de la sunna, qu'Allah lui fasse miséricorde, il le récompense par le Firdaus al-A'la. Et j'ai toujours pas oublié qu'on devait faire un cours sur sa vie, mais c'est parce que tout simplement j'ai pas encore le temps de le terminer en arabe déjà, de le recopier, parce que c'est 11 vidéos à recopier, donc ça prend un peu de temps. Il dit, parmi ou fait partie des fondements des gens de la sunna et du consensus, la foi en l'intercession du prophète, alayhi salatu wassalam, et que des gens seront sortis du feu après avoir été brûlés, et qu'ils soient devenus, on va traduire ça de manière littérale par du charbon, et on va voir c'est quoi fahman en langue arabe dans un instant, inshallah. L'ordre sera donné qu'ils soient emmenés à une rivière, à la porte du paradis, comme cela a été rapporté dans le texte, comme Allah le veut, et de la manière dont Allah le veut et comme il le veut, subhanahu wa ta'ala, il faut avoir foi en cela et y croire. Maintenant, l'explication de Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala par rapport à ce point-là. Il dit: فالشفاعه ثابته للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في عرصات يوم القيامه حينما يشتد بالناس الهول. Alors ici, le mot arasat, on va aussi voir ce que ça veut dire, inshallah. Dans la traduction qui existe en français, ce mot-là, il n'a pas été traduit. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, apprenez la langue arabe, ikhwa, que vous preniez avec, par la plus haute chaîne de transmission, ce qu'on appelle en arabe, sanad al-a'la. Donc au lieu de prendre un frère qui prend un shir, vous prenez directement du shir en langue arabe. حينما يشتد بالناس الهول ويذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كلهم يعتذر بعذر من الأعذار المعروفة في الحديث ثم ينتهي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويذهب فيخر ساجدا تحت العرش طويلا ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد لا يعرفها الآن وإنما يلهمه الله إياها في ذلك الوقت ثم يقال له ارفع رأسك C'est un hadith qui est rapporté dans le Bukhari au Muslim, comme on va le voir dans un instant, inshallah, et qui est donc un hadith muttafaqun alayh. Donc, qu'est-ce que nous dit Cheikh Rabi' Hafidahullah en guise d'explication de ce premier passage-là? Il dit l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. Et avant de continuer, vous savez que chaque fois on dit quoi? Et. Les fondements de la sunnah sont. Au début, on avait dit quoi? Au tout du premier cours, on avait dit les fonds. Usul sunnati indana tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa liqtida'u bihim, etc. D'accord? Et les fondements de la sunna sont chez nous, c'est-à-dire les gens de la sunna, le fait de. De quoi? Vous avez été là, C'était quoi alors le premier fondement? C'était quoi? Oui. Le premier, le tout début, le premier cours. De s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète alayhi salam et de les prendre pour exemple. Et puis, et à chaque fois, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à. Et la foi en quoi? C'est quoi le sujet du cours aujourd'hui? Ou un des sujets du cours aujourd'hui, parce qu'on va rentrer dans un autre chapitre après, Inch'Allah. L'intercession, le jour du jugement dernier. L'intercession de qui? L'intercession de qui? Du prophète alayhi salam. Il y a plusieurs intercessions. Ici, il parle de l'intercession du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc tout ça, c'est pour toujours vous dire qu'on est toujours dans l'atf ici, dans la coordination en langue française. Et fait partie des fondements de la sunna, et fait partie des fondements de la sunna. C'est comme ça qu'il faut comprendre, d'accord? Donc le Cheikh Rabi, il dit l'intercession du prophète, alayhi salatu wassalam, est établie de manière authentique. Et c'est dans arasatu yawm al-qiyamah. Alors maintenant, le mot arasat. Yom al-Qiyamah. Il faut savoir qu'est-ce que veut dire le mot arasat. Alors j'ai été voir dans l'explication d'un livre que je vous recommande beaucoup dans l'aqidah des gens de la sunna, c'est Al-Wasitiyya de qui? C'est qui écrit Al-Wasitiyya? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Que Cheikh al-Fawzan expliquait et il y a une traduction qui existe en français. Complète. Et que j'ai un peu regardé et qu'elle m'a l'air assez bonne d'ailleurs. Donc, l'arasat yom al-qiyama, le mot arasat, comme le dit Cheikh al-Fawzan dans son explication d'Al-Wasitiyya, d'Ibn Taymiyyah, il dit, c'est le pluriel de arsatun. C'est-à-dire, arasat, avec sad, arasat, c'est le pluriel de arsatun. Qui est, en langue arabe, al-mawdi'u al-wasi'u alladhi la bina'a fih. C'est-à-dire, le lieu spacieux où il n'y a pas de construction. C'est ça, arasat. D'accord? Mais maintenant, il parle ici de quoi? De arasat yom al-qiyama. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit, c'est quoi maintenant arasat, après savoir le sens linguistique du mot arasat? C'est, si vous voulez, un endroit large. C'est un mot qui revient toujours dans l'aqidah des gens de la sunna al-jama'a, attention. Donc, faut le connaître à un moment ou à un autre. Et c'est quoi? Donc, c'est que c'est un lieu spacieux où il n'y a pas de construction. Maintenant, Cheikh, il dit, arasat ou yom al-qiyamah, c'est mawaqif al-hisab. C'est-à-dire les places du jugement. Ce sont donc les endroits, les lieux de station et d'arrêt lors du jugement. Vous comprenez ici de quoi on parle? Arasat yom al-qiyama, d'accord? Les endroits, les lieux de station et d'arrêt lors du jugement. L'intercession sera donc dans les places du jugement dernier, lorsque la terreur des gens se fera intense. Et le mot ici utilisé en arabe, c'est haoul. D'ailleurs, souvent les ulama, quand ils font un dars à ce sujet-là, ils appellent ça ahwalu yom al-qiyama. Les craintes, les terreurs du jour du jugement dernier. Et ça, c'est important que, si on est samedi soir, on est un peu fatigué, etc., mais on parle de sujets très très importants. Et donc, il dit, lorsque la terreur des gens se fera intense, ishtad al-haoul, et qu'ils iront chez Adam, alayhi salam, puis chez Noé, Donc Adam, puis Noé, puis Abraham, puis Moïse, puis Jésus, alayhi salatu wassalam, chacun d'entre eux s'excusera avec l'une des excuses qui sont connues dans le hadith. Donc si vous voulez retourner au hadith, retournez au hadith dans la référence que je vais vous donner dans un instant, inshallah. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à qui? Au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et qu'ils disent, j'en suis digne. Et il ira et tombera en prosternation longuement sous le trône. Et il fera les louanges d'Allah de manière qu'il ne connaissait pas. Allah les lui inspirera, ne les lui inspirera qu'à ce moment-là. Donc il va faire les louanges, l'hamd, l'mahamid en arabe, d'accord? D'une manière qu'il ne connaissait pas. Hein? À ce moment-là, d'accord? Et qu'il lui inspirera à ce moment-là plutôt. Puis il lui sera dit, lève ta tête. Pourquoi? Parce qu'il était là en situation de? Ouais, prosternation d'âme, c'est juste. Il lève ta tête, demande, sel tu'ata, washfa' tushafa'. Demande, et il te sera donné, et intercède, et ton intercession sera acceptée. Je vous donne la référence. C'est un très long hadith rapporté dans le Bukhari, livre de l'unicité, numéro 7510. Et Muslim également dans son authentique. Quand les ulama disent le Bukhari, il se taise, c'est directement sahih. Quand ils disent Muslim, il se taise, c'est quoi directement? Hein? Dans son authentique, dans son sahih, livre de la foi. Donc c'était Bukhari 7510 et Muslim 193. Puis Cheikh il dit « وَلَهُ شَفَاعَاتٌ أُخَرْ فِي رَفْعِ دَرَجَاتِ قَوْمٍ اسْتَحَقُّ دَرَجَاتِ دُنْيَا فِي الْجَنَّةِ وَيَشْفَعُ فِيهِمْ فَيَرْفَعُهُمُ اللَّهِ وَفِي قَوْمٍ اسْتَحَقُّ دُخُولَ النَّارِ فَيَشْفَعُ فِيهِمْ فَلَا يَدْخُلُونَ وَيَشْفَعُ فِي قَوْمٍ دَخَلُوا فِي النَّارِ بِالذُّنُوبِ التي ارتكبوها والكبائر التي ارتكبوها فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم النبيون والملائكة والصالحون هذه شفاعة وشفاعات أخر يشارك فيها الأنبياء والصديقون والصالحون والملائكة. Cheikh Rabi' il continue sur le sujet de l'intercession, il dit et il y aura d'autres intercessions de sa part alayhi salatu wassalam pour élever en degré des gens qui auront mérité de bas degré dans le paradis. Et il intercédera pour eux, et Allah donc, elle les élèvera en degré. D'accord? Vous suivez ou pas? Non. Je le vois dans les yeux. Hein? Donc, je répète. Et il y aura d'autres intercessions de sa part, alayhi salatu wassalam, pour élever en degré des gens qui auront mérité de bas degré dans le paradis. Alors maintenant, pour vous faire un peu travailler la matière, hein, on a déjà parlé d'une intercession, on vient d'en parler dans un instant, c'est laquelle? Et c'est pour peut-être que les frères qui ont déjà pu étudier l'aqidah, comment elle s'appelle chez les ulama cette... Allah hafadak barakallahu fik ahsan, al-shafa'atu al-udhma, la plus grande, la plus importante intercession. Hein? Et c'est quoi aussi, par rapport à un verset du Coran? Inch'Allah, on va faire des cours plus détaillés sur l'intercession. Inch'Allah. Notamment si on étudie le Wasitiyya ensemble, Inch'Allah. Ou bien si on étudie des livres, par exemple, comme Qur'an al-Arba et d'autres livres, etc. Ou Kashf Shubuhat, par exemple. Il faut un moment, un jour ou l'autre, savoir un peu en détail au niveau de l'intercession. Mais je vous renvoie déjà à une source qui existe aussi en français pour les frères qui ne savent pas lire l'arabe. C'est Cheikh Al-Fawzan, d'explication de le Wasitiyya. Il explique bien cela. D'accord? Cheikh Ben Baz aussi sur son site, vous trouvez une explication détaillée de l'intercession dans son Majmou al-Fatawa, etc. D'accord? Cheikh Al-Uthaymin dans son explication de l'Wasitiyya. Tous les ulama qui ont expliqué l'Wasitiyya, ils ont parlé d'intercession parce qu'il y a un chapitre qui s'attache à étudier cela. Donc on a dit quoi? C'est quoi que tu as dit? C'est Shafa'atu, hein? Al-Udma, c'était quoi par rapport? Mais c'est quoi l'intercession en fait, Shafa'a al-Udma? Bah oui, bah explique-moi. Explique juste avec tes mots. Parce que ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de vous montrer que celle qu'on cite maintenant, c'est pas celle qu'on a citée avant. C'est juste pour ça que je vous demande en fait. Vas-y. Hein, tu te... Bon, je répète. Il y aura d'autres intercessions. Donc la première intercession, on l'a dit, c'est quoi? Ouais, là on est toujours dans les autres, c'est aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Les ulama disent qu'il y en a trois qui lui sont spécifiques. Hein? Non? C'est pas pour que les gens soient jugés. Hein? C'est ça que je veux dire. D'accord? Et après, écoutez ce qu'il a dit. Il aura d'autres intercessions pour élever en degré des gens qui auront mérité de bas degrés dans le paradis. Donc on voit bien que c'est déjà une autre quoi? Une autre intercession. Ça, c'est juste, je vais attirer votre attention sur ce point-là, sans rentrer en détail au sujet de l'intercession. Maintenant, écoutez, il intercédera pour eux et Allah les élèvera en degrés. Et pour des gens qui auront mérité de rentrer en enfer. Et il intercédera pour eux et n'y entreront donc pas. Ça, c'est encore quoi? Naam. Et il intercédera, alayhi salatu wasalam, pour des gens qui entreront en enfer, pour les péchés qu'ils ont commis et les grands péchés, kaba'ir, qu'ils ont commis. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, intercédera pour eux et les prophètes intercéderont pour eux, ainsi que les anges et les vertueux. Et ceci est une intercession et il y a d'autres intercessions que partageront aussi les prophètes et les véridiques et les vertueux et les anges. D'accord ? Inch'Allah qu'on demande à Allah Azzawajal qui nous donne, qui nous facilite de faire un cours complet là-dessus et qui nous donne une longue vie sur son obéissance subhanahu wa ta'ala afin qu'on puisse faire tous ces livres qu'on voudrait s'attacher à étudier un jour ensemble. Maintenant, on continue l'explication de Cheikh Rabi, il dit « وَأَحَادِيثْ الشَّفَاعَ مُتَوَاتِرَةً وَكَثِيرٌ جِدَّا رُوِيَ مِنْهَا فِي الصَّحِيحِينَ وَفِي مُسْلِمٍ بِالذَّاتِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةً وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ يَعْنِي يَشْفَعُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ ثُمَّ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ ثُمَّ مِثْقَالَ نواه ثم مثقال ذرة من إيمان ثم من يمتلك من الإيمان أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فالله تبارك وتعالى يخرج الموحدين من النار بما معهم من الإيمان ولو كان أدنى من مثقال ذرة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. Donc Cheikh Rabi nous continue à dire ici, il dit, et les ahadith arrivent au degré de tawatur. Et sont très nombreuses au sujet de l'intercession. Donc il n'y en a pas un qui vienne vous dire, ouais, mais hein, l'intercession, ça n'existe pas, etc. Ça fait partie de la croyance correcte, de la croyance des gens de la Sunna, de croire qu'il y a une intercession, et même plusieurs, comme on vient de le voir. Et il dit, et les hadiths arrivent au degré de tawatur, ils sont très nombreux. Certains ont été rapportés dans les deux authentiques, et surtout dans Muslim. De nombreux hadiths, parmi les hadiths, comme connus de Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu arda, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, intercédera et dit, je ferai sortir de l'enfer ceux qui ont dans le cœur le poids d'un dinar de foi, puis ceux qui ont dans le cœur le poids d'un demi-dinar de foi, puis le poids d'un noyau de date, puis le poids d'un atome de foi, puis ceux qui possèdent trois fois moins que le poids d'un atome de foi. C'est un hadith rapporté par le Bukhari, numéro 7439, et Muslim, numéro 183. Allah fait donc sortir les gens de l'unicité de l'enfer en raison de ce qu'ils ont comme foi. Et ce même si c'est moins que le poids d'un atome, comme cela a été rapporté dans les hadiths authentiques. Puis Cheikh, il dit, وَيُنْكِرُ هَذِي الشَّفَاعَ الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَالرَّوَافِدُ وَغِيرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالِ وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَهُنَا تَعَلَّقُ بِعُمُومَاتٍ تَنَاوَلَ الْكُفَّارُ أَوْ عُمُومَاتٍ تَتَنَاوَلُ الْكُفَّارُ وَلَا تَتَنَاوَلُ الْمُؤْمِنِينَ يعني مثلاً من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة سورة البقرة آيات كثيرة في نفي الشفاعة عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين تعلق أهل الأهواء بهذه العمومات وتركوا النصوص المتواترة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا بعض النصوص القرآن التي دلت على أن الشفاعة تحصل للمؤمنين الذين يرضى الله عنهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون سورة الأنبياء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سورة سبأ فالكفار لا يؤذن بالشفاعة فيهم ولا يقبلها أبدا لا يؤذن بالشفاعة فيهم ولا يقبلها أبدا حتى إن إبراهيم عليه السلام يشفع في أبيه فلا تقبل شفاعته إبراهيم أبو الأنبياء وما له من منزلة عظيمة عند الله خليل الله يشفع في أبيه فلا تقبل شفاعته. Donc Cheikh Rabi Hafidahullah, il continue en disant, les kharijites et les mu'tazilites et les rafidites et d'autres parmi les gens de l'égarement renient cette intercession alors qu'elle est établie par le Coran et la Sunna. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Donc qu'est-ce qu'on prend de ce verset du Coran? Que quoi? Donc il y a une intercession, d'accord? Et là, déjà, je vous avais posé une question la dernière fois, j'avais dit qu'un jour ou l'autre, il faudrait qu'on s'attache à étudier en plus en détail pourquoi, c'est quoi leur chouboide, leurs ambiguïtés, parce qu'évidemment, ils essaient de construire la chose. Pourquoi est-ce qu'ils refusent toutes ces croyances? Hein? Bien sûr, il va déjà nous donner un des éléments de réponse ici. Et il dit, et c'est d'abord un autre verset, dont la traduction du sens est, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il agrée. Selon la Jassité, c'est surat Al-Anbiya, verset 28. Il dit, ils se sont accrochés à des généralités qui englobent les mécréants et n'englobent pas les croyants. Comme par exemple le verset dont la traduction du sens est, écoutez bien ce verset, avant que ne vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Surat al-Baqarah, verset 254. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ils prennent ce texte dans sa généralité, ils disent quoi? Il n'y a pas d'intercession. Alors qu'on vient voir un autre verset où il y a, hein, et ça je voudrais vraiment que vous reteniez ça de moi, barakallahu fikoum, parce qu'on le prend des ulama, c'est que les gens de la sunna, si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Les gens de la sunna et de jama'a, les salafis, hein, les gens du hadith, les gens du athar, quand ils étudient un point, d'accord, ils regroupent tous les textes à ce sujet-là. Hmm? Comme on dit les ulama, yajma'ouna, non source le bab. Ils prennent tous les textes à ce sujet et ils comprennent donc ce sujet-là à la lumière de tous ces textes. Ils prennent pas certains textes et délaissent d'autres textes. Ça, c'est une règle très très très importante. Très très très importante. Les ulémas en parlent notamment quand on parle d'Asma ou Sifat, par exemple. D'accord? Donc, cher, qu'est-ce qu'il dit ici? Avant que ne vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession, surat al-Baqarah, numéro 254. De nombreux versets qui nient l'intersection pour les mécréants. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Surat al-Muddathir, verset 48. Les gens des passions se sont accrochés à ce genre de généralité et ont délaissé les textes qui sont arrivés au degré de tawatur de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ont délaissé certains textes coraniques qui indiquent que l'intercession aura lieu pour les croyants. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les textes dans leur généralité qui en fait sont pour qui? Les mécréants, et ils les ont aussi utilisés pour qui? Pour les croyants. Donc qu'est-ce qu'il dit cher ici? Et ont délaissé certains textes coraniques également qui indiquent que l'intercession aura lieu pour les croyants dont Allah est satisfait. Qu'Allah agrée, subhanahu wa ta'ala. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et il n'intercède, écoutez bien, ça c'est clair, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés tout en étant pénétré de sa crainte. Surat al-Anbiya, verset 28. Puis il donne un autre verset. La traduction du sens de ce verset-là dit, L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il le permet, ou il la permet, par rapport à l'intercession. D'accord? Surat Saba, verset 23. Donc on voit bien qu'il y a l'intercession. Qui est pour qui? Oui, je t'écoute. J'ai cité 28. Je répète le verset en français? Ah, les prophètes. Les prophètes 28. Ça va? Toi, t'as raison de demander, t'inquiète. Barakallah. Surat Saba, verset 23. Surat Dhariyat, comment est traduit ça en général? Hein? Les éparpillés? C'est ça, hein? les éparpillés? Ouais? Et puis, on a cité que l'autre verset? Baqara, la vache. Bon, c'est, hein? Qu'est-ce qu'on a cité d'autre comme verset? C'est tout, je pense, hein? Mudathir, hein? Ça, on a dit les éparpillés. Les prophètes, c'est pas les éparpillés, c'est quoi alors? Non, c'est le Muzammil, ça, non? Bah, tu regarderas pour nous aussi, Inch'Allah. J'ai oublié comment ils disent ça en français, pour être honnête. À la kulli hal. Donc, il continue, cher Rabbi, et il dit, il n'autorise pas l'intercession pour les mécréants et ne l'acceptera jamais. Même Ibrahim alayhi salam qui intercède pour son père, son intercession n'est pas acceptée. Abraham alayhi salatu salam, le père des prophètes, qui a un très grand statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, intercède pour son père et son intercession n'est pas acceptée. Puis Cheikh il dit, et on arrive à la fin de, petit à petit à la fin de ce chapitre concernant l'intercession le jour du jugement dernier, il dit وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة فقط في أبي طالب. Est-ce que je vous ai expliqué ça vient de quoi le mot nahar et nahar, etc. On n'a pas parlé de ça pour finir. Hein? Quand on a parlé de la rivière, quand vous retournez à l'explication de Sahih Muslim dans Kitab al-Iman de Cheikh Mohammed bin Adam al-Ethiopie, si je me souviens bien, c'est volume 5 que j'ai amené d'ailleurs ici parce que je voulais vous lire quelques petits passages. Le mot nahar en arabe, il y a deux manières de dire. C'est pour ça que, une petite nasiha que je profite, c'est quand vous corrigez, des fois on pense qu'un frère il fait une erreur dans la langue arabe, mais en fait c'est parce que nous, on n'a pas une vision assez large dans la langue arabe. Ça m'a déjà arrivé une fois un frère, je lisais un chapitre dans le fiqh qui s'appelle Al-Luqata. Vous connaissez ce, hein? C'est le chapitre qui s'attache à étudier le jugement des choses qu'on trouve qui ont été perdues par les gens, par exemple. Il y a un chapitre dans le fiqh là-dessus, hein? D'accord? Et alors, moi j'ai dit Luqata, et le frère il me dit non, Laqata. Je dis, attends deux secondes. Cheikh Fawzan, première phrase, il dit, « Wafihi lughatan ». Il y a deux manières de le dire, « Al-luqata » ou « Al-laqata ». Donc, c'est important de savoir, ça, c'est que, hein, si tu as science dans la langue arabe, et tu dis que tu sais que c'est une faute, tu dis que c'est une faute. Mais si tu ne sais pas, ben, tu demandes. Hein? Donc, par exemple, « Nahrun » ici, il y a avec « Sukun l'ha », un « Nahr », je pense que tout le monde connaît cette manière de le dire, c'est la rivière, d'accord. Et aussi « Nahar ». Avec le fath. Alors maintenant, c'est quoi le meilleur? C'est Nahar. Avec le fath, Cheikh l'Éthiopie dit « Wahoua ajwad ». Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a dans le Coran. Hein? Comme il a dit Cheikh l'Imam Nawawi rahimahullah dans son explication de Sahih Muslim. Et par rapport à Fahm, je voulais vous lire un petit passage de cette explication de ce hadith dans Sahih Muslim. Je vous donne la référence pour les frères qui ont le livre à la maison. C'est l'explication, encore une fois, que j'utilise beaucoup. De Sahih Muslim de Cheikh Mohammed ibn Adam al-Ethiopie. En fait, son nom complet c'est Mohammed ibn Cheikh al-Allama Ali ibn Adam ibn Moussa al-Ethiopie al-Wallawi, parce que son père était un savant aussi. Et c'est Al-Bahr al-Muhit al-Thujjaj fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj, volume 5, et c'est page 225. Et il dit Hatta idha kanu fahma bi fath al-fa wa sukun al-ha al-muhmala wa qad tuftahu afadahu al-Fayyumi rahimahullah. Donc, qui a dit qu'on peut dire le fath, fahman et fahaman? Vous suivez ou pas? Hein, c'est simplement que c'est, des fois on peut mettre un quoi? Un sukun et des fois on peut mettre un fatha. Tu peux dire fahmun et tu peux dire fahamun. Vous suivez ou pas? Vas-y. Moudathir. Moudathir, c'est l'enveloppé. Et le mouzemmil? Il donne le nom en anglais, pas en français. Mais il a le mushaf juste derrière lui en français. Il est là, regarde. Il y a le frère qui l'a. Hein? Ouais, je vois que tu machas là, tu es très près dans ta lecture. Le mudathir, comment on dit en français si tu veux bien? J'ai reçu un message sur mon téléphone, c'est peut-être un des frères. C'est un des frères qui écoute le cours qui m'a envoyé un message. Le revêtu d'un manteau, le mudathir. Muzammil. Et c'est quoi leur prénom, le mudathir? Tu l'as pas? Hein? L'enveloppé. Donc le mudathir, c'est l'enveloppé. Zakum la khairan. A la kulli hal, donc on a dit quoi? Que fahm, on peut dire fahmun et fahamun. Et celui qui a dit ça, c'est Al-Fayyumi rahimahullah, qui est très connu dans la langue arabe. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Al-Fahm? Parce que le fahm, en fait, c'est le pluriel de fahmatun. D'accord? Donc ici dans le hadith, hatta idha kanu fahman, le cheikh ici l'a dit, wasaru fahman, c'est-à-dire, c'est le pluriel de fahmatun, c'est comme du charbon. Il dit quoi? Il dit, al-jamru tafi, c'est la braise qui est éteinte. Wal-fahmatu wahidatuhu. Et le fahma, c'est le singulier de fahm. Suivez ou pas? Après, on retournera dans ce même livre-là pour un autre mot que je voudrais vous expliquer, inshallah. Donc, on était au fait que وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة فقط في من في أبي طالب ويشفع فيه وهو في أعماق النار فيخرج إلى ضحضاح من نار. Alors, dans la traduction française, ils ont traduit ça par « il va être sorti et être mis sur une braise de feu ». Moi, je ne sais pas d'où ils ont pris cette traduction. On va voir c'est quoi « dahdah ». Vous voyez que c'est un peu technique dans la traduction, mais on est obligé de faire ça si on veut être précis, c'est une « amana ilmiya ». C'est pour ça que souvent, vous voyez que peut-être mes cours sont un peu courts ou que je peux en faire des fois peut-être 15 par semaine. Entre le travail à Salafi School, l'université, la famille et les cours, etc. Ce cours-là, il me prend un jour entier pour le faire. C'est-à-dire qu'à 7h30 du matin, j'étais déjà occupé à le faire ce matin. Donc, pourquoi? Justement, parce que c'est une amana ilmiya. Nous, notre travail, en fait, il est facile. Il revient à traduire et à dire ce que disent les savants et à transmettre ce que disent les savants. Parce que nous, on n'a pas de science. Mais ça, c'est difficile en tant que tel. Pourquoi? Parce que ça nécessite une technicité dans la traduction. C'est une amana. Donc ici, regardez qu'est-ce qu'il dit, Cheikh l'Éthiopie, dans la même référence que j'ai citée, volume 5, il dit « Ey Abu Talib », et on parle ici de l'intercession du prophète Sallam pour qui? Qui c'est qui Abu Talib par rapport au prophète Sallam? Son oncle, on est d'accord. « Fi dahdahin min nar » pour que vous gardiez le fil. On dit quoi ici? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une intercession particulière uniquement pour Abu Talib, qui est son oncle, comme vous avez dit très justement. Il intercédera pour lui, alors que ce dernier, Abu Talib, sera dans les profondeurs de l'enfer. Il a dit « a'maq al-nar ». On va voir pourquoi j'insiste sur ce mot-là, « a'maq al-nar ». Il sera sorti et mis dans « dahdahin min-nar », qui a été traduit par certains, la traduction qui existe, qui est publiée, par « braise de feu ». Nous, on va le traduire de manière différente. Et vous allez comprendre pourquoi, Inch'Allah. Donc, il a été sorti des profondeurs de l'enfer pour être mis dans Dahdah. Avec deux fois Dad, Minnar. Et il dit, Cheikh l'Éthiopie, Bidad, Daini, Mu'jamatein, Maftouhatein, Waha'ein, Muhmalatein, Wafil Asl, Ma Raqqa Minal Ma, Ala Wajil Ard, Ila Nahwil Ka'bein. Déjà, pour les frères qui savent c'est quoi l'adab d'Abu Talib, ils doivent commencer à comprendre. ثم استعير هنا للنار ويطلق أيضا على ما قرب من الماء وهو ضد الغمرة والمعنى أنه خفف عنه العذاب وقد ذكر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الآتي فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه ويأتي في حديث ابن عباس الآتي إن أهون أهل النار عذابا من؟ Abu Talib, puis il a continué un très très long chapitre là-dessus, on ne va pas tout rapporter. Mais moi ce qui m'intéresse ici, c'est au niveau de la linguistique, pour pouvoir vous traduire correctement c'est quoi « dahdah min nar ». Comme ça vous comprenez c'est qui Abu Talib, vous comprenez c'est quoi l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Abu Talib, et que c'est un allègement de son châtiment, et qu'il va être d'un châtiment à un autre en fait, d'accord? Donc, dahdah in min nar. Dahdah, dans le sens linguistique du terme, c'est à la base l'eau dont le niveau est bas sur le sol. D'accord? Vous suivez? Au niveau des chevilles. Retenez ce mot-là. Au niveau des chevilles. Puis cela a été utilisé ici pour le feu. Et c'est utilisé aussi pour ce qui est proche de l'eau dans la linguistique. Et c'est le contraire de al-ghamra. D'accord? Dahdah, c'est le contraire de Al-Ghamra, qui est la grande masse d'eau. Al-Ghamra, c'est quoi? La grande masse d'eau. Et le sens est, ici, d'accord, dans le hadith, que son châtiment a été allégé. Et cela a été rapporté dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, qui suit, il sera placé dans Dahdahin min nar, de feu, qui arrive à ses chevilles. Et son cerveau en bouillera, du verbe bouillir, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Qu'il sera allégé. Et qu'au lieu d'être dans les profondeurs du feu, il sera dans quoi? Bahbahi minnar, qui est quoi? Qu'il sera, ce sera à la hauteur de ses chevilles, mais que, malgré cela, son cerveau en bourra. D'accord? Du verbe bouillir. Yerli, le cheikh il a dit. Une petite faïda, je ne voudrais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le sujet du cours, mais pour les frères qui ont le livre, hein, il ne se vend pas très loin d'ici, d'ailleurs, il a été publié jusqu'au 17e volume. Et le cheikh n'a toujours pas fini. Hein? Allah alim, ils estiment qu'il va arriver plus ou moins 50 volumes à la fin. Parce que là, on est à peine à Kitab al-Iman et Kitab Salah de Sahih Muslim. Hein? Kitab al-Iman, il a 5 volumes dessus. Hein? Kitab Tahara, plusieurs, et Salah, etc. Hein? Mais je vous assure, c'est un régal de lire dans ce livre-là parce qu'il rentre, comme vous voyez, toujours en détail. Et ça m'aide beaucoup, moi, en tout cas, dans mes traductions. Sharh Sunan Nasa'i de lui, il est en 42 parties qui a été publié en 20 livres. Hein? Que j'ai d'ailleurs aussi, qui m'aide beaucoup dans les traductions. Et il dit, Cheikh l'Éthiopie, il dit que Abu Talib il est mort comment? Musulman ou kafir? Kafir. Eh bien, Rawafid, ils disent qu'il est mort musulman. Hein? Il explique cela, ils utilisent un vers de poésie qu'il a dit, etc. Et Cheikh, il réfute tout ça, il a montré que c'est une intercession spécifique. Et justement, pourquoi? Parce qu'il est mort kafir. Mais que c'est spécifique à Abu Talib. Spécifique, retenez ce mot-là, c'est spécifique. C'est pour ça que Cheikh Rabi'a, quand il a parlé, il était très précis. Il a dit quoi? وَلِلْنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَةٌ خَاصَّةٌ. Et puis quoi encore après? فَقَطْ فِي أَبِي طَالِبٍ. Il a dit, il y a au prophète صلى الله عليه وسلم, il a une intercession spécifique uniquement pour Abu Talib. Il intercédera pour lui alors qu'il est dans les profondeurs de l'enfer, et il sera sorti pour être mis dans Bahdahin Minanar, et on a vu c'était quoi. D'accord? Maintenant, on continue le cours. On est toujours dans le cours de toute façon, mais on continue la parole de Cheikh Rabi'. Le Cheikh, il dit, وَلَا تُقْبَلُ فِيهِمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ سُورَةُ الْمُدَثِّرِ هَذَا فِي الْكُفَّارِ وَأَمَا الْمُؤْمِنُونَ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى سوره النجم من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه سوره البقره فهذه الشفاعه الماذون فيها في المؤمنين ثابته بالكتاب وثابته بالسنه المتواتره فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره في رفع درجات المؤمنين وفي عدم ادخالهم النار وفي اخراجهم منها كما ذكرنا سلفا وكما ورد في الأحاديث فهذا يؤمن بها أهل السنة فهذه يؤمن بها أهل السنة وفي أصل وهي أصل من أصولهم يخالفون في ذلك أهل الأهواء من الخوارج والروافض وأهل الباطل ويجب على المؤمن بذلك أن يؤمن ويصدق. On aura fini avec cela le chapitre concernant l'intercession, inshallah. Donc dernier point, et l'intercession des intercesseurs ne sera pas acceptée pour eux. La traduction du sens de la parole d'Allah dit ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Mais ici, de qui on parle? Des mécréants. Maintenant, vu qu'on avait une exception, de qui? Pourquoi? Parce qu'on a un texte. Sourate al-Mudathir, verset 48. Ceci est au sujet des mécréants. Et le cheikh, il est encore une fois précis, il insiste bien sur ce point-là. Tandis que les croyants, et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après Allah l'aura permise. Donc on voit bien qu'il y a quand même une intercession qui est pour qui? Les croyants. En faveur de qui il veut et qui il agrée. Sourate al-Najm, les étoiles, c'est ça? Verset 26. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Sourate al-Baqarah, verset 255. Donc, cette intercession pour les croyants permise est établie et affirmée par le Coran et la Sunna avec tawatur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam intercède et d'autres que lui pour l'élévation en degré des croyants. D'ailleurs, un très bon livre que je me rappelle là maintenant, qui est de qui? De Cheikh Muqbil, rahimahullah. Kitab al-Shafa'a. Il rapporte avec beaucoup de chaînes de transmission, hein, des textes sur quoi? Sur tout ce qui concerne l'intercession. Il a été publié d'ailleurs. Le messager intercède et d'autres que lui pour l'élévation en degré des croyants et qu'ils ne soient pas entrés en enfer et qu'ils en soient sortis comme nous l'avons dit précédemment. Les gens de la Sunna croient en cela et c'est un fondement de leur fondement. Ils s'opposent en cela aux gens des passions comme par exemple les Kharijites ou les Rafidites et les gens du faux. Il est obligatoire aux croyants d'y croire et d'avoir foi en cela. Et après cela, on va rentrer dans un chapitre qui est assez court. Et on terminera là-dessus aujourd'hui, inshallah. Et c'est le chapitre concernant la sortie du Dajjal. Khuruj al-Dajjal wal-Iman, encore une fois, wa, comme le Cheikh al-Bukhari il dit, ay, c'est un atf, c'est-à-dire que ma'atouf ala maqablah. Wal-Iman al-Masih al-Dajjal kharijun, maktoubun bena aynehi kafir, wal-Ahadith lati ja'at fihi, wal-Imanu bi anna thalika kainun. Nouveau chapitre concernant la sortie de ce qu'on appelle en français, on prend la traduction pour ce que c'est, l'antéchrist, que nous on va appeler Dajjal, hein. L'imam al-Mubajjal, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et, encore une fois, et fait partie des fondements des gens de la sunna, quoi? Et croire que Dajjal, l'antéchrist, sortira, et qu'il est écrit entre ses yeux, kafir, mécréant, et en les hadiths qui ont été rapportés à ce sujet, croire que cela arrivera. Et croire que cela arrivera. Maintenant, il y a peut-être un frère ou quelqu'un qui va poser une question qui va dire, oh, mais pour celui qui ne sait pas lire, comment il va lire kafir ici sur le front du... On va voir la réponse, inshallah. Cheikh Rabi, il explique cela, il dit, وهذا جاءت في أحاديث صحيحة كثيرة وصلت إلى درجة التواتر في خروج الدجال وفي نزول المسيح أحاديث كثيرة ومنها ما تقولونه في صلاتكم في كل يوم. Ça, on a déjà parlé dans un cours précédent. Et si vous connaissez cette doua-là qui est importante pour notre prière, vous avez déjà une preuve pour deux points dans la croyance des gens de la sunna. C'est quoi qu'on avait parlé avant? Adab al-Qabr, le châtiment de la tombe. Et c'est quoi la doua? Quand est-ce qu'on l'a dit dans la prière? Pour ceux qui ne la connaissent pas, ce n'est pas un problème de ne pas la connaître, mais il faut la connaître. Hein? Donc, Inch'Allah, que ce soit un rappel et que peut-être qu'ils ne la connaissaient pas, ils n'en ont jamais entendu parler. Dans les livres de Salah comme Sifat Salah, de Cheikh Al-Albani, il en parle. Dans les livres d'Adkar, vous les trouvez aussi. C'est vraiment une doua très très importante. Hein? D'accord? Quand est-ce qu'on l'a dit cette doua-là? Hein? Vas-y. Après le dernier tashahoud, d'accord? C'est-à-dire avant? Oui, d'accord, avant la salutation finale. Et qu'est-ce qu'il dit cette doua en arabe? Allahumma inni a'udhu bika min qahr, c'est juste, hein? Puis donc là ici déjà, on dit quoi? On cherche refuge auprès d'Allah contre quoi? Châtiment de la tombe. Donc est-ce qu'on y croit ou pas? Oui, donc vous avez déjà une preuve. D'accord? Si quelqu'un te demande une preuve, tu dis voilà, tu le dis toi-même dans la prière. Si tu le dis pas, si tu ne la connais pas, tu lui apprends. Hein? Et voilà, c'est déjà une preuve aussi pour le châtiment de la tombe. Et puis quoi encore? Châtiment du feu, non? Et l'épreuve de la vie et de la mort, et puis? Voilà, c'est ça. Hein? Et du mal de l'épreuve du Messie Dajjal. Parce que les ulama, ils appellent cette doua-là l'isti'adatu min al-arba'a. Le fait de isti'ada, c'est quoi? C'est talabu al-awd, wa huwa al-luju'. Hein? C'est-à-dire que tu cherches refuge auprès d'Allah contre quatre choses. Et le frère l'a dit très justement, on va le dire dans un instant, inshallah. Il y a ce sujet de nombreux hadiths authentiques qui sont arrivés au degré de tawatur, ça on a déjà dit. Il y a au sujet de la sortie du Dajjal et de la descente du Messie de nombreux hadiths. Parmi eux, ce que vous dites dans la prière chaque jour et dans chaque prière. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe et le châtiment de l'enfer et de l'épreuve de la vie et de la mort. Écoutez maintenant, et du mal de l'épreuve du Dajjal, hein, de l'antéchrist. Alors il y a peut-être des frères qui vont se poser la question. Le même mot est utilisé pour les deux. Masih, Dajjal, et le Masih, Isa. Qui sait m'expliquer ça? Ça c'est une faïda en plus. Hein. Si vous ne savez pas, il n'y a pas de problème, on va le dire, c'est tout. Hein. Il y a quelques années, j'avais lu cette faïda, elle m'avait interpellé. C'était dans le charh de Cheikh Al-Uthaymin. Du livre l'unicité, Kitab al-Tawhid, qui s'appelle comment son explication? Al-Qawl Mufid, Sharh Kitab al-Tawhid. Il fait 1200 pages, si je me souviens bien. Hein? Et il dit, le Masih, Isa. Masih, al-Wazn, Masih. Qui quoi, qui? Essuie ou efface, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il faisait Isa, alayhi salam? Hein? Bidnillah, il guérissait avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et par contre, Al-Masih, Al-Dajjal, regardez la langue arabe, subhanallah. Al-Wazn, Mamsouh. Il y en a un, donc c'est ism quoi? Fa'il. Et l'autre, c'est ism Maf'oul. Hein? Donc, Al-Wazn, quoi? Maf'oul, et c'est quoi? C'est qu'il est Mamsouh Al-Ayn Al-Yumna. C'est-à-dire qu'il est, on va le voir dans un instant, c'est que une des caractéristiques du dégel, c'est qu'il est quoi? Il est borne de l'œil droit. Hein? Comme il est rapporté dans le hadith. Et il y a même des descriptions de l'œil. Hein? C'est intéressant de savoir ça. Il faut aller voir dans les explications. J'ai pas de temps, mais c'est vraiment, si on fait Sahih, vous imaginez si on fait Sahih Muslim ensemble de sur l'Éthiopie, combien d'années on risque de prendre? Hein? On a peut-être d'autres livres avant, parce que dans l'ordre des ulama, Sahih Muslim, il vient assez tard. Mais c'est intéressant pour vous, Ikhwa, hein? Pour les frères qui n'ont pas peut-être les moyens, parce que c'est quand même beaucoup de volume, ils pouvaient l'acheter par volume aussi. Hein? Si les frères veulent des photocopies de ce genre de passage-là, ou qu'on le lise ensemble, on peut le faire. C'est très très intéressant. Hein? Donc ça, c'est un élément de réponse. Pourquoi? Pour comprendre pourquoi on dit le Masih. Isa alayhi salam, et on dit le Masih, Ad-Dajjal. Attention, c'est pas la même chose. Donc on dit quoi ici? Cheikh il dit, Cheikh Rabi', il dit, حفظه الله تعالى, بعض الناس ينكر خروج الدجال مع الأسف الشديد ويقولون نتأول تأويلات ومن أغرب التأويلات ناس في هذا العصر يقولون إن الدجال ليس شخصا ولا عيسى شخص وإنما هو اتجاه روحي واتجاه مادي. فالاتجاه المادي أطلق على الدجال والاتجاه الروحي أطلق على عيسى عليه السلام. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh Rabi' Hafidahullah? Vous voyez bien que c'est justement un des signes, si vous voulez, un des symboles parmi lesquels se distinguent les gens de la sunna par rapport aux autres, c'est leur croyance par rapport au Dajjal. Ils disent, certains renient malheureusement la sortie de l'antéchrist, du Dajjal, et disent, nous en interprétons le sens. Ils font un ta'wil. Et parmi les plus étonnants des interprétations des gens qui disent à cette époque, aujourd'hui, que l'antéchrist n'est pas une personne. Qu'il n'est pas une personne. Retenez ça. Je vous donne la réfutation dans Sharh Riyad Salihin, Sharh Uthaymin, Inch'Allah. Juste avec un hadith. Il dit, Shabun. Qatatun. Shabun, c'est quoi? C'est une personne ou pas? Shabun. C'est une personne ou pas? Hein? Donc ça réfute ce qu'ils disent ou pas que c'est pas une personne, le Dajjal? Ils disent que Jésus n'est pas une personne et que l'antéchrist n'est pas une personne. Mais que, écoutez bien ça, que c'est une orientation spirituelle et une orientation matérielle. Regardez-le, hein? Le ta'wilat al-fasida. Ils disent, pour qui ils ont donné l'orientation matérielle et pour qui ils ont donné l'orientation spirituelle, vous pensez? L'orientation matérielle, c'est qui? Dajjal, c'est juste. Hein? Non, par rapport à ça, ce qu'on dit ici. Par rapport à Isa alayhi salam et le Dajjal. L'orientation matérielle, c'est qui? C'est Dajjal. Et l'orientation spirituelle, c'est Isa. Où est-ce qu'il y a leur dalil par rapport à ça? Ils n'ont pas de dalil. C'est quoi, c'est? Al-Aql. Et parmi les fondements des gens de la sunna, et les bases dans la aqidah des gens de la sunna, yuqaddimuna al-naql ala al-aql. Ils font passer les textes avant la raison. Et je vous recommande un très très bon livre d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui s'appelle quoi? Dar al-Ta'arud. Il y a beaucoup de titres de son nom là, parce qu'il l'a appelé lui-même de manière différente. Des fois c'est al-jam' aussi, bain al-aql wa al-naql. Dar al-Ta'arud bain al-naql wa al-aql. Il a prouvé en fait que, quoi? Qu'il n'y a pas de contradiction entre les textes et la raison, mais qui est saine. D'accord? Il fait pas mal de volume, hein? Mais il était imprimé, il était édité, et c'était fait avec un tahrir musulman de Cheikh Mohamed Rachid Salim, qui est un des spécialistes des livres d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc ils disent l'orientation matérielle a été dite au sujet de l'antéchrist et l'orientation spirituelle au sujet de Jésus. Et les hadiths arrivent au degré de tawatur au sujet de la descente de Jésus et de l'antéchrist